Très certainement, du moins au regard de ce que, à la lecture de ce que nous voyons, c'est la dernière chose à laquelle pense le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire des alliances fortes, militaires surtout, pour mettre un terme à cette rébellion. Il ne fait pas les alliances qu'il veut, il faut être à la mesure de l'affaire. Est-ce qu'il n'a donc pas cette légitimité internationale? Ça veut dire quoi, légitimité internationale? Ça signifie quoi, ce type de langage? Puisque vous voulez nous faire parler à travers vos questions, la légitimité internationale, la plupart du temps, vise à détruire les pays africains. Mais M. Ouattara a une grande légitimité internationale. Vous savez ça, non? M. Ouattara. Mais vous savez à quoi sert sa légitimité internationale? À détruire le continent africain. Et sans honte, toute honte bue, hein? Toute honte bue. Parce qu'il fallait qu'on l'appelle président, c'est tout. Il fallait qu'il s'assoie dans un fauteuil, on lui donne les honneurs de président. C'est tout. Non, c'est pas. Vous êtes qui dit que la légitimité internationale. Moi, ça me fait sourire, parce que si c'est dans le cadre de la communauté internationale, on sait ce que ça veut dire. Les légitimités qui sont octroyées par la communauté internationale, on comprend. Que la communauté internationale vous le connaisse, c'est autre chose. Hein, parce que vous pouvez vous imposer, parce que bon, vous avez, vous contrôlez, comment on dit ça, vous avez légitimité intérieure. Hein, c'est une forme ou sur une autre qui oblige la communauté internationale à faire avec vous. Tout à fait. Mais c'est différent d'une légitimité octroyée. Monsieur Ouattara, on lui a octroyé une légitimité. Comment on octroie à l'ennemi du continent africain qui est au Niger, là, actuellement. Vous voyez, il n'est pas le seul. Donc, ce n'est pas la même chose. Moi, je vous ai dit, un dirigeant fait des alliances sur la base d'une démarche politique sérieuse. Et il faut construire. Mais M. Tshisekedi a construit quelle démarche politique? Il a hérité du parti de son père. Et il en est devenu le président parce qu'il s'appelle Tshisekedi. C'est tout. Les vrais militants historiques qui étaient capables de diriger ce parti, on les a écartés. Le parti, là, il peut dire cela. Est-ce que M. Tshisekedi a l'envergure pour en être le principal responsable? Son père qui a trahi la RDC, qui a fait tuer Lumumba, n'est-ce pas, a construit toute sa vie dans le service de la trahison. Et on a déguisé ça en combat pour la démocratie, comme d'habitude. Et à un moment donné, il a intégré son fils dans l'appareil. Hein? Il passait le temps à faire les fêtes là-bas en Belgique. Je vous ai dit que c'est un Belge. Il passait le temps à vivre la vie en Belgique. Son père qui s'inquiétait que mais je veux partir comme ça, qu'est-ce que je veux faire? Bon, on ne sait pas par quelle voie il est entré dans l'appareil. Mais les vrais cadres historiques de ce parti-là, vous voyez que vous êtes qui dit, est-ce qu'il est vaut? C'est le nom de son père, terminé. Il a hérité de ça. Donc, le temps d'acquérir une véritable carrière politique. Mais il faut déjà qui veut avoir cette carrière. Moi, je vais vous dire. Soyons sérieux dans la vie. Est-ce qu'il y avait un accord que le lieu à M. Kabila? Oui. Oui. Cet accord. C'est ce qu'il dit. Oui. Qui le lie à M. Kabila? Oui. Cet accord a permis qu'il devienne président. L'envergure d'un dirigeant qui croit à son pays. Cette envergure devait amener ce qu'il y a à comprendre que son premier allié dans cette affaire, c'est Kabila, c'est l'ancien président. Il devait continuer, il devait peaufiner cet accord pour que les deux s'entraident. Non seulement à neutraliser même ce que Kabila n'a pas pu neutraliser, c'est ça qu'on appelle la politique. Pour le faire, il faut avoir ce qu'on appelle la carrière politique. Tu t'entends avec celui qui t'a dit, il y a un pacte, vous sauvez l'État. Sa présence permet à M. Kabila de se débarrasser des extrémistes de son camp. Et sa présence permet aussi de manœuvrer, de jouer avec, parlons comme ça, c'est avec qui tu as partisé hier. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Dites-moi pourquoi, pour M. Tshisekedi, son premier ennemi, c'est Kabila. Comment ouais, expliquer ça? Une chasse aux sorcières. Pourquoi, sur la base de quoi son premier ennemi, c'est Kabila? Tu veux tout le pouvoir, pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu veux tout le pouvoir là maintenant, pourquoi faire? Mais voilà ça, non? Il est tellement léger qu'il n'a pas compris que, en écartant Kabila et en rompant l'accord, il s'affaiblissait lui-même. Parce qu'il n'a pas l'intelligence politique de la situation. C'est pas un homme politique. Il fait un homme politique aguerri pour comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Vous comprenez ça? Il a passé son temps à siphonner l'accord, à le détruire parce que non, non, je veux le plein pouvoir. Ok, tu as le plein pouvoir, voilà ça. va donc lutter. Va finir avec le M23. Voilà. Tu as le plein pouvoir, non? Va finir avec le M23. Quand on dit plein pouvoir en RDC, ça veut dire quoi pour un président plein pouvoir? Ça veut dire quoi? Justement, le principe, c'est qu'aucun président n'est destiné le plein pouvoir. C'est le principe colonial. C'est le principe de la colonisation belgo-américaine. La RDC est colonisée par la communauté internationale, monsieur Dom. Donc, le principe, si un président a le plein pouvoir en RDC, c'est-à-dire que la communauté internationale va disparaître. Bon, si on n'a pas de culture politique, on ne comprend pas ça. On rêve. Plein, veut le plein pouvoir. Donc, plein pouvoir, c'est que tu chasses Kabila, tu violes les accords, tu t'installes, tu es le grand roi. Mais ça, c'est le mouboutisme, ça. Ça n'a abouti à rien. Mobutu a voulu concilier le plein pouvoir et la dépendance étrangère. Hein? Voilà un monsieur que Lumumba a ramassé dans la rue, permettez-moi l'expression. Bien sûr. Il en a fait un chef d'état-major. Non, bien sûr. Première prouesse, tuer Lumumba. Ouais. Bien sûr. Et après, il a tué. Après, il dit que non, c'est le héros national. C'est le célèbre héros national. S'amuser comme ça avec les principes. Oui, ça, nous n'avons pas rire à défaut de pleurer. Jouer comme ça avec les principes. Pas derrière, aller être l'allié des Américains, le combattant de la liberté de M. Reagan. Hein? Et dit qu'en même temps, je vais avoir le plein pouvoir. Mais les Blancs, ça les fait rire. Après, tu fais la comédie, tu joues l'authenticité. On va prendre la Bacoste. On va débaptiser les rues, machin. Ça, c'est le folklorisme, ça. C'est quoi ça? Une marionnette, c'était une pire marionnette. Mobutu a bien vu les limites de chercher à avoir le plein pouvoir dans un pays qui n'est pas décolonisé, M. Ndoum. Mais qu'est-ce que ça va faire pour les dirigeants africains comprendre certaines choses? Mais on ne s'invente pas politique, hein? On ne s'invente pas. Il faut avoir une carrière pour pouvoir être à la hauteur de ce qu'on appelle la pratique et le métier de la politique. Je suis désolé pour M. Tshisekedi, je vais bien respecter sa fonction, mais il n'est pas la carrure. Ça se voit. Parce que, mais, il faut s'entendre avec Kabila. Les conditions historiques de la RDC, comme Bertrand l'a dit tout à l'heure, demandent l'unité. C'est-à-dire, il faut une union des forces politiques. Et son allié naturel, puisque Kabila l'a mené. C'est entendu avec le pour le pouvoir. Plus ses anciens alliés lui ont fait la guerre, n'ont même pas reconnu sa légitimité. Fayoulou, tous ces gars, les Katoum, ils n'ont pas reconnu sa légitimité. C'est Kabila a travaillé, il a gagné les élections, il lui a remis le pouvoir. C'est que Dia a célébré ça. Le discours de M. Tshisekedi était clair. Vous comprenez ça? Mais qu'est-ce qu'il a arrivé? Qu'est-ce qu'il a cru? Il va chercher la France d'abord pour saccager l'armée. Parce qu'il faut que, pour lui, il n'y a pas de continuité militaire après Kabila. Vous voyez, le manque d'envergure des gens a dit pour lui l'armée Kabila, l'armée c'est l'armée de Kabila. Kabila, une fois parti, il faut décapiter toute l'armée, aller chercher les Français pour qu'ils viennent reformer l'armée congolaise. C'est-à-dire, c'est quand même terrible ça. Voilà des erreurs. Mais pendant ce temps, on te regarde. Il a bien dit, les gens te regardent. Alors, si à un moment donné, il y a une accélération géopolitique dans le monde, comme c'est le cas actuellement, où les Américains sont en passe de devenir un pays pauvre, c'est une économie de Fémania. L'Amérique, le dollar, c'est une fausse monnaie, en grande partie. C'est un pays de Fémania qui est en situation de crise économique très avancée. Mais comment on règle ça dans l'histoire, les crises économiques comme celle-là? Mais ce n'est pas la guerre. Si les Américains estiment que notre agenda doit accélérer, et qu'on constate que, bon, on voit que, bon, celui-là, demain, on va t'aider à accélérer. Et comment on fait ça? Mais on fait ce qu'on est en train de faire là. On fait ce qu'on est en train de faire là. Et on ramasse rapidement de l'argent. Ça permet de ramasser de l'argent et tout. Monsieur Bekima, viens de vous l'expliquer. Écoutez, là maintenant, dès qu'il a fini là, il a dit Kabila ne se présente pas. Il a commencé par faire ça. Il dit qu'il ne doit pas être inéli. Il est inéligible. C'est quand même curieux de dire qu'un ancien président qui a dirigé un pays 15 ans est inéligible. C'est d'abord même très curieux de faire ça. Mais à force de chercher à tuer Kabila, il n'a pas vu le M23 venir. Il n'a pas vu Kagame venir. Alors, président, il y a quelqu'un qui dit, vous dites que M. Kagame est quasiment le bras des Occidentaux, mais comment expliquer donc ses interventions aux côtés des armées centrafricaines et mozambicaines pour se défaire véritablement Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais c'est pour. Tu n'intervenais pas dans les pays étrangers pour les stabiliser. Tu n'as pas intervenu dans beaucoup de pays africains. Allez voir l'histoire de Mobutu. Mobutu a fait des interventions dans beaucoup de pays africains. Oui, il jouait même. Mais il était devenu un sage à un moment donné. Quand un pays avait un problème, il allait voir Mobutu. Il nous a même volé. Oui. Il nous a volé même des thèmes panafricanistes. Oui, comment Mobutu? Oui, non. Il faisait des discours souvent. Le jour, il est content. Il te le prend. Il fait des discours panafricanistes, authentiques, machin. Oui. Mais c'était pour divertir les naïfs. Oui. La diversion. Que Kagame intervienne dans le cadre de l'émission de l'ONU. Il faut rappeler à ceux qui posent la question que l'émission de l'ONU nous rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent d'abord. Donc on peut aller parce que ça gagne de l'argent. Oui. On gagne de l'argent. Deux, ça permet de de routiniser les contingents, de les déployer, de les gérer, n'est-ce pas? Tant qu'un pays, le Mozambique et consorts, ne dérange pas fondamentalement M. Kagame, mais il peut le faire. Il y a quoi? Si vous êtes, écoutez bien, si vous êtes très à l'aise avec l'Occident, pourquoi vous ne serez pas à l'aise avec l'ONU? Vous voulez devenir le meilleur élève de l'ONU en matière de contingent pour le maintien de la paix? Il faut le dire. Donc, ce n'est pas un critère d'analyse, ça. Je dirais à mon ami qui pose la question. Président, oui. Ça t'ouvre les portes auprès des guichets internationaux. Mais c'est aussi simple que ça. Attends, si je m'entends très bien avec Washington, oui. Mais je m'entends avec l'ONU. Et quand vous avez des budgets d'un milliard de dollars pour le maintien de la paix. Mais c'est un bon business. Ça rapporte de l'argent au pays. Hein. Oui, ça permet beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas un critère pour analyser la valeur, la validité, la pertinence panafricaniste des demandes d'un dirigeant. J'ajoute ceci. Monsieur Kagame, vous pouvez m'expliquer pourquoi Monsieur Kagame a accepté qu'on déverse les terroristes afghans en Ouganda, au Rwanda, en échange de l'argent par Londres, par exemple? 160 millions. Dites-moi comment on explique ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc, il avait perdu mes idées. J'étais en train d'indiquer ceci. Je vais chuter par là. D'accord, président. C'est-à-dire que Kabila perd. Parce qu'on m'a dit, quelqu'un m'a même dit, non, il s'est allié avec quelqu'un, mais pas en politique, il y a la tactique. On peut s'allier avec quelqu'un pour le combattre demain. Mmh. OK. Prenons l'exemple de Kabila perd. Kabila perd est entré après le pouvoir contre Mobutu dans le cadre d'une alliance sous-régionale. Sous-régional, c'est-à-dire que parrainé par Washington, et dont le Rwanda et l'Ouganda étaient les chevilles ouvrières sur le plan militaire. Quand Kabila arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Quand il constate que, voilà ce qu'on appelle un choix tard, tactique. Arrive au pouvoir, il se retourne ouvertement contre eux, et il assume ça. C'est le cas de M. Tshisekedi, c'est le cas. Quelqu'un là, il subit quelque chose. Et pour perdre, il dit que je ne résiste pas les accords, machin. C'est quoi ça? Kabila, quand il s'est retourné, on a vu, il n'allait pas derrière lier les accords avec le Zimbabwe, les pays africains, il a chassé les Rwandais. Ouais. C'est là où le Rwanda a décidé de le tuer. Ouais. Parce que les Rwandais ont été lynchés à Kinshasa. Parce que les populations n'acceptaient pas cette colonisation. Et ça réveillait les vieux démons. Déjà, les personnes de la RDC n'acceptent pas cela. Kabila a payé de sa vie en sachant qu'il devait payer de sa vie. Et on a vu les orientations de Kabila. Après, tout l'Occident était contre lui. Tu as oublié ça? Tout l'Occident était contre Kabila. Vous comprenez? Donc, voilà, on peut dire que, bon, ok, là-bas, il y a eu une démarche tactique. Ce n'est pas le cas de M. Tshisekedi. Tshisekedi, c'est l'enfant chéri des Occidentaux. Il est tellement amusant que, derrière, quand ça chauffe, il a demandé l'appui de l'URSS à l'ONU. Il a osé demander. Mais les Russes ont accepté. Mais pourtant, lui, comment lui, c'était. Au départ, il regardait les Russes de haut. Il a demandé l'appui des Russes. Oui, alors nous, dernièrement, pour qu'on sanctionne, pour qu'on dénonce, pour qu'il y ait une résolution. Mais tu oublies le rôle de Tshisekedi dans l'affaire du Covid. Mais bien sûr. Tshisekedi était l'allié numéro un de Macron. Il se retrouve à Paris et dit qu'il va vacciner les 80 millions de Congolais. Mais c'est un pion des Big Pharma. Mais il n'a fait que ça. Il regardait les Russes de haut. Maintenant, il a voulu. Bon, mais tout ça, c'est pas sérieux. Vous savez. Président, pour sortir, s'il vous plaît. Oui. Ce conflit, oui. Les racines, si on veut regarder, si on fait l'analyse factuelle, oui. Je laisse le côté géopolitique. Mais c'est même impossible d'analyser sans la géopolitique. Mais si on part, pour comprendre les factions armées, vous devez comprendre comment on a formé l'armée qui renverse Mobutu. Était formée comment? Comment on l'a composé? Les Rwandais justifient, ils disent que non, il y a les milices, il y a les génocidaires, Hutu, à l'est de la RDC. Allez, les anciens militaires rwandais, de l'ancien pouvoir, sont des génocides, il y a l'encadrement des réfugiés par les milices interamoué. Donc, quelqu'un me justifie son action militaire par ça. Mais je vous dis qu'il y a au moins deux rapports de l'ONU qui démontrent ce que quelqu'un me pille les richesses de la RDC et que c'est organisé. Mais pourquoi c'est dans les tiroirs? Pourquoi c'est dans les tiroirs, mon cher ami? Ça sert à tout le monde, finalement. Non, mais pourquoi c'est... Oui. Pourquoi c'est dans les tiroirs? Un président sérieux devait dire à l'ONU que sortez-moi les rapports de ce tiroir. Vous avez un rapport, sortez-moi ça du tiroir. Est-ce que même il en profite, président, M. Tshisekedi? Mais je vous dis que, mais je pose la question, pourquoi c'est pas à l'ordre du jour? Il est en train de dire maintenant que oui, c'est vous qui armez et tout et tout. Bon, pour que ça ne soit pas sa parole qu'on le sait de Kagame, mais qui demande à l'ONU de sortir les rapports. Ces rapports sont connus. Où il est établi clairement que tout ce que Kagame raconte là sur les génocidaires qui sont à l'aide de la RDC, c'est le mensonge, c'est pour justifier le pillage dans lequel lui, il s'enrichit terriblement à titre individuel. Tout à fait. Mon cher ami, c'est cela qu'il s'agit. Donc, les bandes militaires, les armées qui ont été coalisées pour chasser Mobutu, d'après vous, quand Mobutu est tombé, ils sont devenus quoi? Ce sont eux qui les naissent sur les figures de M23. Et d'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.